Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le MAG pour une nouvelle édition sur Radioactive. Aujourd'hui, je vous propose de vous emmener avec moi au lycée viticole d'Amboise, domaine de la Gabilière, où se prépare un petit salon. Nous avons donc été accueillis par Anne-Cécile Caspric, enseignante en œnologie, avec ses élèves Robin et Valentin. On écoute tout de suite cette rencontre. Nous sommes au domaine de la Gabilière à Amboise, accueillis par Anne-Cécile Caspric et deux élèves, donc Robin Lardot et puis Valentin Jean. Alors Valentin, qui en plus d'être élève est président de l'association BTS, il va nous l'expliquer tout à l'heure. Alors pour commencer, Anne-Cécile, vous êtes enseignante en œnologie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le domaine de la Gabilière à Amboise? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qui s'y passe? Le domaine de la Gabilière à Amboise, c'est l'exploitation viticole du lycée agricole. Et cette exploitation produit des vins de Touraine-Amboise, des Crémants de Loire. On a une vingtaine d'hectares et c'est un domaine d'application où nos élèves peuvent faire des TP pour la réalisation du vin, pour l'entretien des vignes. Et là, en l'occurrence, c'est un BTS commerce dont il s'agit. Et donc, la participation des élèves, c'est pour la vente du vin, la mise en valeur des vins de la Gabilière. Alors ce BTS, c'est technique de commercialisation des vins, si je ne me trompe, et on parle de vins, de bière et de spiritueux, donc c'est une gamme assez diverse. Tout à fait, c'est tous les produits de la vigne, les vins, les bières, les spiritueux, voilà. Ok, alors quand les jeunes arrivent en BTS ici, sur ce type de formation, c'est quelle durée? Expliquez-nous un petit peu le contenu de ce qu'ils préparent, ils peuvent en dire un mot aussi évidemment, ils peuvent intervenir à tout moment. Et puis quels sont les débouchés? Ça les conduit à quoi? Donc on démarre niveau bac, il y a pas mal de jeunes qui viennent soit de l'hôtellerie, soit, bon pourquoi pas d'un bac pro vigné vin, soit de bac STMG. Et en fait c'est une formation BTS, donc en 2 ans. Et on apprend les techniques de commercialisation des vins, bières et spiritueux. D'accord. Donc derrière cela, on peut soit travailler dans un commerce, soit travailler dans une exploitation viticole et assurer la vente des produits, soit travailler pour un négociant, un grossiste. Voilà, il y a des débouchés multiples en fait. Et là, par exemple, Robin et Valentin, vous êtes à côté de nous. Vous avez déjà des idées de vos perspectives professionnelles après le BTS? Robin, peut-être, pour commencer? Non, pas vraiment encore. Je suis encore en train de réfléchir pour le moment. On va voir, à mon avis, après le stage qui va arriver. Donc, on a des périodes de stage tout au long de la première année. On en a 3. Le premier stage, c'est en production. Donc, on va dans un domaine, voir comment ça se passe. Le deuxième, on va voir plutôt dans la commercialisation des produits. Et c'est ce stage-là qu'on va effectuer bientôt. À mon avis, je verrai mieux après ce stage. Et oui, évidemment, il faut se confronter à la réalité pour savoir ce qui plaît davantage. Et de ton côté, Valentin? Alors moi, de mon côté, j'ai une envie un peu plus particulière. J'aimerais continuer les études, je sais déjà dans lesquelles. Donc repartir dans une licence commercialisation du vin et œnotourisme. Pourquoi pas faire une partie à l'étranger pour pouvoir développer les langues. Et par la suite, ce que j'aimerais, ça serait ouvrir une cave. Ah ouais, et alors, c'est sympa ça, Anne-Cécile, vous êtes déjà allée dans une cave ou c'est un ancien élève qui maintenant y travaille, par exemple? Alors, une cave, non. Mais par contre, on fait intervenir des anciens élèves qui travaillent maintenant. Il y en a un qui va intervenir prochainement, qui travaille dans un domaine. Il y en a un qui a rejoint l'exploitation familiale cette année. Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'on a fait un petit peu une étude d'insertion. Où est-ce que travaillent nos élèves? Il y en a quand même beaucoup qui restent dans le milieu du vin ou le milieu agricole au sens large. Et il y a un relativement bon taux d'emploi, là, sorti du BTS. C'est vrai que souvent, nos élèves poursuivent en licence pro et ça fait des parcours assez intéressants en licence pro. Licence pro qui est proposée ici également? Qui n'est pas proposée ici. Il y en a une à Tours, il y en a plusieurs en France, voilà. D'accord. Avec des spécificités. Certaines sont un peu plus commerce international, d'autres sont plus axées vers le vin, voilà. Mmh. Il y a de multiples possibilités. Et d'ailleurs, vous venez d'où les garçons? Vous êtes des locaux ou alors pas du tout, Robin? Alors, pas du tout. Moi, je viens d'Argenton-sur-Creuse, dans l'Indre. Du coup, non, j'ai trouvé cette formation en me renseignant. J'étais pas du tout promis à ce milieu-là. Mais bon, en cherchant sur Parcoursup, j'ai trouvé cette formation. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant et je suis venu. Ok. Et Valentin? Moi non plus, je ne suis pas d'ici. En fait, je suis d'un petit village à côté du Sancerrois et d'Amène-Toussalon. Donc, j'ai poursuivi dans la voie du commerce et donc le commerce du vin en particulier. Oui, alors issu du Sancerrois, ça a tout son sens aussi, on imagine. Alors, tout à l'heure, Valentin, tu évoquais une envie peut-être d'aller à l'étranger par la suite. Alors, ce qui est intéressant, je me permets de faire un lien avec la Bulgarie. Alors, pourquoi je parle de la Bulgarie ? Parce qu'il me semble que, justement, tu présides l'association des BTS et qu'il y a un projet. Et ça va avoir du sens par rapport à l'événement dont on va parler juste après, à savoir le petit salon de la Gabillière, qui aura lieu ce samedi 14 décembre de 10h à 18h. On va expliquer juste après tout le contenu. Mais pourquoi ça a un lien, la Bulgarie et ce petit salon ? Eh bien oui, du coup, ça a un lien, car on a décidé, en collaboration avec le domaine de la Gabillière, d'organiser et de remplacer du coup, le salon de Noël qui avait lieu les années précédentes par un petit salon de la Gabillière, qui est plus spécifiquement orienté vin, bière et spiritueux. Là où le salon de Noël était beaucoup plus axé produits de Noël en général, donc que ça soit alimentaire ou non. Et donc là, on se reconcentre plus sur notre vocation, qui est donc les vins, bières et spiritueux. Et donc ce salon nous permet de financer une partie de notre voyage en Bulgarie qui aura lieu en 2025. Ça nous a aussi permis de prendre contact avec des producteurs extrêmement locaux, puisqu'ils sont tous dans un rayon de 30 km autour d'Amboise, bon, sauf notre producteur d'hydromel qui vient un petit peu plus loin. Et on a pris conscience en fait, de la diversité des produits dans ce territoire et qu'on avait beaucoup de choses à mettre en valeur, donc c'est vraiment chouette. Alors le programme, justement, on a hâte de savoir ce qu'on va pouvoir goûter, hein, parce qu'on nous parle de plein de produits différents. Alors qui se lance pour nous faire une liste des participants et des bonnes choses qui seront possibles de trouver sur ce petit salon ? Alors, sur ce petit salon, on va trouver deux brasseries. Donc, on a la brasserie Artisanale et la Closerie de Chanteloup. On va aussi trouver une distillerie qui apporte avec eux des liqueurs. Donc, la distillerie Girardot. On va aussi trouver des gins. Donc, la distillerie et la fabrique Héritier. On va trouver, du coup, un producteur de vermouth, Yellow Vermouth, qui est venu nous présenter. L'hydromel, comme on a pu en parler tout à l'heure. Le tonneau d'or. Un producteur de rhum arrangé, les saveurs du Val-de-Loire. Et on a à peu près tout. Donc là, on retrouve Mont-Louis, Montaut, Chissé, Vouvray, Vierzon. Alors, un petit peu plus loin, Vierzon. Mais effectivement, on est sur... Et puis, Amboise, bien sûr. On est sur du local. Hein, c'est parfait. Alors, de quelle heure est-ce qu'on pourra venir ? Est-ce que c'est payant, l'entrée ? L'entrée est gratuite. Le salon sera ouvert de 10h à 18h dans la boutique de la Gabillière et une salle juste à côté. Donc voilà, on vous attend. L'adresse exacte pour vos GPS, chers auditeurs, le 46 avenue Émile Gounin, donc n'hésitez pas. Et il y aura aussi la possibilité de déguster le miel qui est produit ici, puisque c'est issu d'un projet pédagogique d'il y a 2 ans. Tout à fait. La classe de 3e s'est mise à produire du miel et tous ses dérivés, bougies à la cire. Est-ce que ce sera possible de déguster ou on pourra juste voir les jolies bouteilles sans pouvoir savoir ce qu'il y a dedans ? Alors oui, il sera possible de déguster. Normalement, ce sera l'ensemble des produits présents en fonction des stocks disponibles, bien évidemment. Et en plus de cela, il y aura une vente de vin chaud qui se fera à côté. Et possiblement crêpes, gâteaux, de quoi se restaurer sur place. Ah, ben voilà des arguments prometteurs. Alors, je crois que Robin et Valentin, tous les deux, vous avez des stands dédiés. Vous serez sur lesquels ? Alors moi, je serai sur le stand de Girardot. Je vais vendre des liqueurs et des crèmes de fruits. Tous issus donc, d'agriculture française et le plus possible d'une agriculture locale. Donc, il fournit une grande quantité de ses fruits en Sologne pour une raison du coup, de qualité et de proximité. Aussi, quelques cocktails qu'ils ont fabriqués et élaborés chez eux. Ok, et toi Robin ? Alors moi, je vais travailler sur la brasserie Artisanale. Alors c'est une brasserie avec des idées qui s'exportent des États-Unis. Je vais vendre 5 produits. J'aurai 2 produits soft, dont un cola et une limonade. Et après, j'aurai 3 sortes de bières. Donc, c'est les bières d'Artisanale. C'est des produits très originaux. Elles sont produites artisanalement. Et elles recherchent avant tout une saveur avec des houblons travaillés pour donner des arômes intéressants et très originaux. Peut-être préciser à nos auditeurs que pour tous les gourmands de bonnes choses, tout est évidemment à consommer avec modération. On se doit de le rappeler évidemment. Surtout quand c'est des bons produits, il faut savoir les savourer. Donc effectivement, ce sont tous des produits de qualité qui sont très expressifs, qui ont beaucoup de goût. Donc c'est vrai que avec ce type de produit, on est satisfait même avec des petites quantités en fait. Donc effectivement, on va vous faire déguster avec modération et ce sont des produits que vous consommerez avec modération parce que ce sont des produits très satisfaisants. C'est parfait, Anne-Cécile. En tout cas, vous nous mettez tous les trois l'eau à la bouche. On rappelle donc que ce petit salon aura lieu à la Gabillière ce samedi 14 décembre de 10h à 18h, que l'accès est gratuit et que vous y trouverez convivialité, le petit vin chaud de saison qui va bien pouvoir également vous réchauffer. Un petit mot pour nos auditeurs, pourquoi est-ce qu'il faut venir? Qu'est-ce qui est important? Eh bien, avant tout, c'est un salon de passionnés. On est là pour vendre des produits que l'on aime. Et c'est des produits de qualité, c'est des produits originaux qu'on n'a pas forcément la chance de retrouver dans les commerces habituels. Et ça va vous permettre de découvrir des choses de qualité et locales qui feront que vous pourrez profiter pleinement des fêtes de fin d'année. Mais aussi, ça peut vous permettre de découvrir des producteurs locaux non loin de chez vous que vous n'avez pas encore eu l'occasion de goûter. Donc, ça peut faire des super cadeaux de Noël. Donc, on vous laisse venir. Puis de découvrir le lieu. Et de découvrir le lieu que beaucoup d'Amboisiens connaissent déjà. Et puis aussi de soutenir le travail de nos étudiants. Une promo de jeunes intéressés par le métier, curieux et qui sont contents de vous accueillir ce jour-là. Eh bien, merci à tous les trois et rendez-vous samedi 14 décembre, 10h, 18h à la Gabillière pour une entrée gratuite sur ce petit salon. Merci à tous les trois. Merci à vous.